Section 51 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e, section 51, La Seconde Mère par Henri Gréville, chapitre 15. Etme, d'abord bourru, car il regrettait sa chère liberté d'opinion, s'accoutuma bientôt à la vie qu'on menait à la Rouveraie. Cette demeure très mondaine était journellement l'objet de visites diverses. Les jeunes amies d'Yveline venaient la voir, quelques-unes de son âge, d'autres déjà promues au rang supérieur de la jeune fille. Pareil à la plupart des jeunes gens, Edme se trouvait un peu mal à l'aise au milieu de tant de demoiselles. Mais comme il était fort beau, grand, mince, élégant, aimable quand il voulait, comme en outre ses défauts ne se manifestaient que dans la société intime de ses proches, ainsi qu'il convient à tout être bien élevé, il devint bientôt l'âme des petites réunions. De la sorte, il prit goût à la société des dames, ce qu'Odile n'avait pu obtenir dans son salon, qu'Edme fuyait régulièrement à Paris, et par une conséquence tout naturelle, il se rapprocha de sa sœur. Yveline, malgré sa jeunesse, était alors non plus une fillette, mais presque une demoiselle. Le court séjour qu'elle venait de faire aux oiseaux lui avait déjà donné le sentiment complet de son importance sociale. En se comparant aux autres, elle avait appris que c'est quelque chose que d'être la fille de M. Richard Brice. De plus, elle avait pu se rendre compte de l'effet que produisaient au parloir ses deux grands-mères et sa belle-mère, Madame Richard. Toutes les trois si élégantes, si bien mises et si riches. De cette petite épreuve, Richard et sa femme avaient déjà retiré quelque chose. Yveline avait pour eux une considération beaucoup plus marquée. En entendant parfois désigner son père sous le nom de Brice Montaubray, la petite mondaine en herbe s'était rendue compte de la situation de Madame Odile. Comment, fille d'un député qui avait été ministre sous Louis-Philippe, c'était quelque chose cela. On pouvait avouer une semblable belle-mère. Aussi, lorsque Edme fit à sa sœur des reproches très vifs sur sa regrettable habitude de s'adresser à Odile en l'appelant « chère madame », la jeune fille, au lieu de lui répliquer vertement comme elle le faisait d'ordinaire, resta silencieuse et perplexe. Son frère en profita pour insister, au risque de tout gâter. « Que ne l'appelles-tu maman ?» lui dit-il. « Je t'ai montré l'exemple, et ce n'est pas bien difficile. Si tu savais comme cela lui fera plaisir, elle est si bonne. » Yveline regarda son frère d'un air fervent. Elle était très flattée de se voir l'objet des attentions d'un si grand frère et si charmant. Ses amis n'avaient pas manqué de lui en faire compliment. Aussi était-elle disposée à causer avec lui autant qu'il le voudrait bien. Leurs entretiens fréquents étaient d'ordinaire courts et d'une banalité parfaite. « Elle est vraiment bonne ?» demanda la jeune fille. « Tu en es sûre ?»« Oh, je t'en réponds. Est-ce que tu croirais le contraire ?»« Je t'avoue, dit Yveline avec candeur, que je n'y ai pas beaucoup pensé. »« Oui, je sais. Ma mère Odile ne t'intéresse pas. Elle n'est pas de votre monde. Si tu veux savoir la vérité, j'aime mieux le sien que le vôtre. Le sien, c'est celui de mon père. Le vôtre, est-ce que tu t'y ennuies ?» demanda Yveline d'un ton moqueur. « Au contraire, je m'y amuse beaucoup, mais ce ne sont pas des gens sérieux. » Yveline partit d'un fou rire, ce qui mortifia cruellement son frère. Pour un rien, il eut abandonné l'entretien, mais il sentait vaguement qu'il avait pour parler d'Odile une occasion qu'il ne retrouverait peut-être pas. « J'étais gai ? Allons, tant mieux » fit-il avec une bonne humeur tout à fait méritante. « Sans rire, ma sœur, sois gentille avec ma mère Odile. Tu verras comme elle est bonne et comme elle nous aime. Toi, je ne dis pas, mais moi, pourquoi veux-tu qu'elle m'aime ? Je ne lui suis rien, elle ne m'est rien. Evelyne. Comment peux-tu parler ainsi d'une personne qui rend notre Père si heureux, qui est pleine de bonté pour nous et qui m'a sauvé la vie? Je suis ton frère et tu me dis que celle qui m'aime tant ne t'est rien? » La jeune fille rougit, un peu décontenancée, puis répliqua vivement « Toi, c'est différent. Elle ne peut pas m'aimer, je ne lui en ai pas donné sujet. » Qu'est-ce que cela fait pour une âme comme la sienne? Ah, si tu la connaissais! Écoute, Evelyne, tu peux en faire l'épreuve. Si tu te trouves jamais dans une situation difficile ou pénible, si tu étais forcé de faire quelque chose qui te déplut, ou si l'on voulait t'empêcher d'obtenir quelque chose qui te tient au cœur, va trouver ma mère Odile, parle-lui franchement, et tu verras si l'on peut compter sur elle. » Edme revint plus d'une fois à la charge et chaque fois il ébranla un peu de la résistance de sa sœur. Malheureusement, c'était une résistance instinctive et le terrain gagné était tout doucement reperdu le lendemain. Pourtant, la présence d'Odile dans la maison, son tact parfait, sa douceur calme, eurent de l'influence sur la fillette, dont l'esprit très délié ne fut point sans comparer la belle-mère à la grand-maman. Dans cette comparaison, elle s'aperçut à plusieurs reprises que Madame Richard était bien loin de mériter le dédain avec lequel on l'avait mise de côté jusqu'alors à la Rouveraie. Evelyne, avec son apparence soumise, était une enfant gâtée, volontaire et capricieuse. Mais le soin que Madame de la Rouveraie prenait des apparences avait réduit ses dispositions à leur minimum d'expression. Evelyne possédait les vertus chrétiennes qu'à de faibles doses. Elle en avait juste assez pour que personne dans le monde ne pût l'accuser d'en manquer. C'était tout ce qu'avait souhaité sa grand-maman en s'appliquant à son éducation. Elle l'avait obtenue. En vivant avec son père, dont elle ne connaissait jusqu'alors que la voix et le visage, avec Odile, avec Edme, Evelyne, tout enfant qu'elle était encore, s'aperçut qu'on pouvait être très différent de Madame de la Rouveraie et de ses amis et avoir cependant du mérite. Ce fut son premier pas dans une voie où elle devait faire rapidement beaucoup de chemin. Les vacances terminées, Evelyne retourna aux oiseaux. Edme à ses cours spéciaux, les grands-mères à leur domicile respectif et les époux à leur vie ordinaire. Ce fut un soulagement pour la plupart. Pas pour Edme, qui rentrait dans l'engrenage du travail avec le sentiment que ses efforts n'aboutiraient point à le satisfaire. Ce qui compliquait encore la situation, c'est que ses professeurs n'étaient pas d'accord sur ce point. Les uns assuraient qu'il était convenablement préparé. D'autres affirmaient une insuffisance complète. Cette divergence d'opinion s'expliquait par la promptitude d'esprit du jeune homme qui, à de certains moments, lui suggérait une réponse, une solution ingénieuse, de nature à faire croire qu'il savait ce qu'en réalité il ignorait. Après avoir été convaincu pendant des années que son fils ne savait rien, Richard s'était persuadé en ces derniers temps qu'Edme avait rattrapé l'arriéré et que son admission à Saint-Cyr ne souffrirait pas de difficultés. Quelques réponses heureuses faites en sa présence et l'opinion du professeur optimiste jointe au silence des autres qui ne voulaient point se montrer des prophètes de malheur avaient produit ce revirement. Edme, qui en avait été enchanté au début, s'en montra inquiet plus tard et par conscience voulut exprimer ses doutes à son père. « Tu seras reçu si tu le veux, » dit celui-ci. « Il ne s'agit plus que de vouloir et j'espère bien que tu ne me feras pas le chagrin de te faire refuser. Je te préviens d'ailleurs que je ne croirai pas à un échec accidentel. J'ai grand peur, mon fils, que la carrière militaire ne te plaise pas. »« Oh, mon père, peux-tu croire cela ?» fit Edme en rougissant d'humiliation. « Ce n'est pas que je doute de ton courage, » reprit Brice, « mais je doute de ton amour pour le travail et la discipline. » Blessé, Edme se replia sur lui-même. C'était une âme orgueilleuse qui n'aimait pas se dévoiler. Avec Odile seule, il s'exprima franchement. « Rassure-toi, mon enfant, lui, dit-elle, avec sa tendresse accoutumée. Ton père te parle ainsi pour te maintenir dans de sages appréhensions, mais... »« C'est cela qui m'afflige, s'écria le jeune homme avec amertume. « On me traite comme un enfant. On veut m'effrayer. Ne vaudrait-il pas mieux m'encourager, me consoler ?»« Ah, ma mère Odile, j'ai grand besoin de consolation, je vous le jure. » Il avait des larmes dans les yeux et s'efforçait de les retenir par fierté virile. Fin de la section 51, lue par Agnès, Obi, 2024.